frissonne encore de ce que je l'ai entendu dire. Avec quelle impudence les domestiques ne vous traitent-ils pas dans leur esprit? Comme ces gens-là vous dégradent. Je ne saurais m'en remettre. Je n'oserais songer aux termes dont elle s'est servie, ils me font toujours peur. Il s'agit d'un valet. Ah, l'étrange chose. Écartons l'idée dont cette insolente est venue me noircir l'imagination. Voici Bourguignon. Voilà cet objet en question pour lequel je m'emporte. Mais ce n'est pas sa faute, le pauvre garçon. Je ne dois pas m'en prendre à lui.